Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Vous voudrez bien nous excuser pour ce léger retard. Les grands titres de cette édition. Le président congolais Félix Tshisekedi continue sa visite de 3 jours au Burundi. Il devrait tenir un point de presse à l'aéroport international Melchior Ndadaye avant son départ cet après-midi. Le ministre des Finances présente en ce moment à l'Assemblée nationale l'état d'exécution de la loi des finances 2020-2021. Et les préparatifs pour le concours national donnant accès au palier poste fondamental de l'enseignement se déroulent bien. Reportage sur quelques écoles visitées ce matin. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour. Au troisième et dernier jour de son séjour au Burundi, le président congolais Félix Tshisekedi devait visiter la ferme de Buringa et les champs rizicoles des coopératives à Ouanza. Il devrait également se rendre à l'entreprise FOMI de production des fertilisants organominéraux. Une rencontre entre le président Félix Tshisekedi et la communauté congolaise vivant au Burundi est également prévue. Au terme de cette visite, les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Evariste Ndayishimiye du Burundi devraient tenir un point de presse conjoint à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Le délai final que la société coopérative Mitracom a accordé à la commune Makamba pour qu'elle ait remboursé toute la redevance de la finalisation de la construction du nouveau marché de Nyaburumba expire ce 25 mai. À cette date, tous les propriétaires de magasins à ce marché devraient avoir payé la somme fixée par la commune, à défaut de quoi ils verront leurs magasins vendus aux enchères. Certains de ces propriétaires disent avoir manqué d'argent et demandent que ce délai soit prolongé. Les précisions de notre correspondant à Makamba, Élisée Kwizera. 138 400 194 francs burundais, telle est la somme d'argent que la commune Makamba devait à la société coopérative Mitracom pour la finalisation de la construction de 156 magasins répartis en 7 blocs au nouveau marché de Nyaburumba. Néanmoins, il ne reste que quelques 24 millions, dit le vice-président du conseil communal Innocent Nimagaritse. La construction de ce marché avait été débitée par les détenteurs des parcelles eux-mêmes et était au point de terminer les murs. Vu que les activités étaient lentes, la commune a fait le marché à la Mitracom qui, à ce qui la concerne, n'a fait qu'achever les murs et la construction de la toiture. Tout le reste, à l'exemple de la fermeture, a été fait par les propriétaires. Suite aux délais qui n'ont pas été respectés, la Mitracom a fixé le délai final qui va bientôt prendre effet le 25 mai et la commune à son tour met en garde ceux qui n'ont pas encore terminé le paiement que leurs magasins seront publiquement vendus la même date pour ne pas s'exposer aux intérêts de retard et seront remis les dépenses qu'ils auraient utilisées. Du moment que certains de ceux qui n'ont pas encore payé avancent le manque de moyens financiers et demandent que le délai soit prolongé, bien qu'il y ait qui ont été découragés par ce qui s'est récemment passé au marché central où toutes les échoppes sont en main de la commune, Innocent Nimagaritse explique que cette raison du manque de moyens ne tient pas la route. Car selon lui, la plupart de ceux-là possèdent plus de magasins et ont déjà payé pour quelques-uns. Élisée Kwizera depuis Makamba pour la radio Isanganiro. Merci Élisée. Les prévisions budgétaires chiffrées à plus de 1400 milliards de francs burundais lors de l'exercice 2020-2021 ont été dépassées, affirme le ministre des Finances et de la Planification devant la Chambre basse du Parlement ce lundi. Il est en train d'analyser le projet de loi de règlement et le compte-rendu budgétaire pour l'exercice budgétaire. Domitien Ndihokubwayo a en outre ajouté qu'il y a eu lenteur dans l'exécution de certaines activités suite à la mort de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza, ainsi que de nouvelles institutions mises en place. Je vous l'avais dit dans les titres, les préparatifs au concours national vont bon train, selon les directeurs des écoles visitées ce lundi, comme le lycée Notre-Dame de Rohero et le lycée du lac Tanganyika 2. Ils disent qu'ils ont pu achever les programmes des cours et c'est un reportage de Lydie Gahimbare. Certains élèves de 9e année rencontrés au lycée Notre-Dame de l'Ohéro disent que même si le concours national fait peur, ils espèrent la réussite parce qu'ils sont en train de faire des exercices d'entraînement comme les épreuves type. Et nous continuons à nous entraîner beaucoup plus fort parce qu'on veut réussir beaucoup. On continue à nous exercer dans les épreuves type parmi les exercices qui se trouvent dans les livres et parmi d'autres différents exercices qui existent. Et on nous prépare aussi en nous donnant des tests de direction. Nous avons un peu peur, mais on sait qu'on va réussir. On a foi en Dieu. Nous nous préparons pour le concours national. Nous sommes très contents de faire un test qui provient de notre pays. Nous nous exerçons par des épreuves type ou des tests d'entraînement qui proviennent de la DCI. Nous allons réussir avec un temps élevé. Eric Nishimana, directeur du lycée Notre-Dame de l'Ohéro, rassure que les préparatifs au concours national vont bon train. Les préparatifs pour la passation du concours national de certification et d'orientation vont bon train. Et au cours du deuxième trimestre, on a fait passer le test communal d'entraînement au concours national. On a terminé tous les programmes au début de ce troisième trimestre. Et nous avons fait passer le test d'entraînement au concours national, le test provincial et le test diocésain pour l'entraînement au concours national. Il en est de même pour le lycée du lac Tanganyika 2. Laurent Nguyen-Glouté, directeur de cette école, affirme que tous les programmes des cours ont été achevés. Les préparatifs au concours national vont bon train parce que dans tous les cours, les programmes ont été achevés à temps. Maintenant, on est en train de faire des révisions dans tous les cours. Les enseignants essaient de corriger ensemble les épreuves types données par le ministère ayant en charge l'éducation nationale. La passation du concours national va commencer le 31 mai, comme l'a annoncé le ministre ayant l'éducation dans ses attributions. Merci Lady Gahimbare. Trois personnes ont été grièvement blessées par une déflagration d'une grenade lancée dans un ménage de la colline Rougregré de la commune Rougombo aux environs de 19h la nuit de ce dimanche à lundi. Le commissaire provincial de la police à Chibitoke indique que les victimes ont été vite évacuées vers l'hôpital de Chibitoke pour des soins, précisant que les enquêtes sont en cours pour traquer les auteurs et surtout avoir le motif de ce crime. L'administrateur de la commune Rougombo, Gilbert Manirakiza, confirme les faits et demande à la population de sa commune de cesser de s'accuser gratuitement de sorcellerie. Il affirme que des traces de ces accusations circulaient ces derniers jours dans cette localité. Radio Isanganiro, chronique sport. Un match de handball est officié par un groupe de 5 arbitres guidé par un commissaire de match qui prend la décision finale lorsqu'il y a mésentente entre les équipes qui s'affrontent. Eric Nkurunziza, président de la commission médias et relations publiques au sein de la Fédération burundaise de handball, explique que ces arbitres donnent des points en se référant au règlement international régissant ce sport. Marie-Claire Kazenetz. Un match de handball est arbitré par un groupe de 5 arbitres guidé par un commissaire de match qui a le pouvoir de prendre la décision finale lorsqu'il y a la mésentente entre les équipes qui s'affrontent. Propos de Eric Nkurunziza, alias amateur, président de la commission médias et relations publiques au sein de la Fédération burundaise de handball. L'arbitrage de handball se fait entre les arbitres. Il y a quand même les deux arbitres de champ et les arbitres de table ainsi que le commissaire. Les arbitres de champ sont les deux arbitres. Il y a l'arbitre de but et l'arbitre de champ. Donc en fait, il y a un binôme des arbitres. Ce sont les arbitres de champ qui officient les rencontres au sein du handball conformément à la confédération, au règlement de la Confédération internationale de handball. Il y a aussi les arbitres de table ainsi que le commissaire. En gros, les binômes arbitres sont les arbitres qui ont le même droit et aussi qui ont l'obligation de collaborer entre eux. S'il y a une rectifiable au sein d'une rencontre sportive, les arbitres de champ et les arbitres de table ainsi que le commissaire entrent en collaboration pour prendre de telle ou telle autre décision. Avant de commencer le métier, ces arbitres doivent bénéficier de la formation dispensée par les experts en handball. Ça dépend de l'apprentissage de l'individu. Et s'il y a la formation, le corps d'arbitre suit régulièrement la progression des jeunes arbitres. Ici, on trouve un binôme et compétent qui est à mesure d'officier une rencontre sportive. Le corps d'arbitre prend la décision de désigner l'individu pour officier un match. Ce président de la commission Médias et Relations publiques au sein de la Fédération burundaise de handball ajoute que ces arbitres donnent les points en se référant au règlement international régissant le handball. Si un joueur marque le but, c'est-à-dire qu'on compte un point conformément au règlement international de handball. Et lorsque deux équipes s'affrontent entre eux, il y a une occasion manifeste de prendre la décision de savoir si le but est validé ou le but n'est pas validé. C'est la décision entre deux arbitres qui collaborent, pas autre recours au sein de la décision de deux arbitres. Dans la prochaine chronique sportive, Eric Nkurunziza expliquera les critères pour devenir un arbitre de handball et les sanctions infligées aux arbitres qui violent les lois régissant ce sport. Actualité internationale. En Afrique du Sud, de nouvelles inondations se sont produites ce week-end après deux jours de pluie diluvienne. Cela s'est produit sur la côte est du pays. Pas de victimes pour le moment. Près de 250 personnes ont pu être évacuées de manière préventive dans la nuit de samedi à dimanche, mais les dégâts matériels sont importants. Des portions de routes éventrées, des ponts brisés et des voitures renversées. Plusieurs quartiers de l'agglomération de Durban sont totalement défigurés par les pluies tombées ces deux derniers jours. La station d'épuration est endommagée. Rappelons que fin avril, les pluies diluviennes avaient fait près de 450 victimes. Le président sud-africain avait alors déclenché l'état de catastrophe naturelle. Les principaux groupes rebelles tchadiens en discussion à Doha au Qatar depuis le 13 mars ont exigé samedi 21 mai dans un communiqué la libération immédiate et sans condition des six leaders de la société civile. D'après le site de RFI, ils ont été arrêtés et incarcérés après la manifestation organisée le 14 mai pour protester contre la politique française au Tchad. Ils sont accusés notamment de destruction de biens et de troubles à l'ordre public. Et hors du continent africain, les sanctions de la communauté internationale contre Moscou devraient être maximum avec notamment aucun commerce avec la Russie. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien lors d'un discours en visioconférence durant la réunion du Forum économique mondial à Davos qui s'est ouvert ce lundi. Les premiers soldats russes jugés pour crimes de guerre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité ce lundi à Kiev. Voilà, c'est la fin de ce journal-là. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Le président congolais Félix Tshisekedi continue sa visite de trois jours au Burundi. Il devrait tenir un point de presse à l'aéroport international Mercure Ndadaye avant son départ cet après-midi. Et vous l'avez suivi, le ministre des Finances présente en ce moment à l'Assemblée nationale l'état d'exécution de la loi des finances 2020-2021 et les préparatifs pour le concours national donnant accès au palier poste fondamental de l'enseignement se déroulent bien. Vous avez suivi le reportage de la rédaction sur quelques écoles visitées ce matin. Ainsi se referme ce journal à 13h du minute à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Et tout de suite, vous allez suivre la revue de presse régionale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette revue de presse régionale. Le journal Actualité CD écrit, RDC, condamnant les attaques contre l'armée et les casques bleus, Bintou Keïta appelle le M23 à respecter le cessez-le-feu. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU RDC, Madame Bintou Keïta, ordonne aux rebelles du M23 de déposer les armes conformément au processus de paix engagé à Nairobi, Kenya par les autorités congolaises. En effet, le M23 a attaqué les positions de l'armée congolaise à Changi, dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Ces éléments ont également attaqué les casques bleus de la MONUSCO qui ont riposté dans le cadre de l'opération conjointe avec la FARDC MONUSCO avec pour objectif prioritaire la protection des civils. Des attaques lancées délibérément que la chef de la MONUSCO condamne avec la dernière énergie. Madame Bintou Keïta appelle le M23 à cesser immédiatement toutes les hostilités conformément aux engagements pris dans le cadre du processus de Nairobi, à déposer les armes sans condition et à adhérer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, lit-on dans un communiqué de la MONUSCO. Par la même occasion, la représentante spéciale a déploré à cet égard les nouveaux déplacements de populations civiles suite à ces affrontements. L'évaluation des conséquences de ces attaques et des besoins humanitaires est en cours et sont en coordination avec les agences, fonds et programmes concernés. Tout en saluant la bravoure et la détermination des casques bleus malgré le climat dans lequel ils opèrent, Madame Bintou Keïta rappelle le soutien de la MONUSCO au gouvernement et au peuple de la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays et soutenir le désarmement de tous les groupes armés. Le journal de Standard titre l'histoire en développement. L'IEBC rencontre les candidats à la présidence. Les responsables de l'IEBC organisent une réunion d'inscription pré-candidat pour les candidats à la présidence Obama du Kenya. Elle sera animée par le directeur du scrutin national pour l'élection présidentielle et président de l'IEBC, Wafula Chebukati. Des dizaines de politiciens sont arrivés pour faire leur représentation. Selon le journal de Standard, la candidate indépendante Nazlin Omar, qui s'est juste à présent présentée 3 fois à la présidence, a affirmé de manière sensationnelle que l'IEBC voulait triquer les élections. Omar affirme que l'IEBC oblige les candidats indépendants à soumettre les noms de leurs partisans et des copies de cartes d'identité. Elle dit qu'elle portera l'affaire devant les tribunaux. Nazlin dit qu'Azimio Laumojawan et le candidat présidentiel Kenya Raila Odinga devraient être interdits de se présenter aux prochaines élections. Le même journal rapporte que les jeunes sont invités à participer aux campagnes de paix, pêche, aquaculture et économie bleue. Dr Francis Owino l'a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture de la 2e conférence internationale sur la paix, la sécurité et l'entreprise sociale au Mwai Kibaki Convention Center à l'université Mount Kenya Attika ce mercredi. Le gouvernement a appelé à la participation des jeunes pour améliorer la paix et au renforcement des capacités pour améliorer la réponse aux avertissements de conflits. Francis Owino a déclaré que les menaces à la sécurité sont aggravées par la concurrence pour les ressources, la pauvreté, l'analphabétisme, le chômage, l'accès facile aux armes illicites et la porosité des frontières. Les nouvelles arnaques coûtent cher aux femmes, titre le journal Mwananchi. Dar es Salaam Kilimanjaro, c'est une nouvelle vague de fraude. Cela arrive lorsque certaines femmes doivent payer leurs ex-petits amis pour ne pas publier leurs photos nues sur divers réseaux sociaux. On dit que la vague touche les veuves et les collégiens et les épouses des gens qui, en raison de problèmes familiaux ou de désirs physiques, tombent dans le piège d'avoir une liaison extra-conjugale, se photographiant sans le savoir, et cela sera utilisé à l'avenir. Les personnages principaux sont des jeunes hommes d'âge moyen qui sont en couple avec des femmes capables de donner l'argent qu'elles veulent. Sondage auprès des citoyens a révélé que certaines filles et femmes entrent en relation avec des personnes qu'elles ont rencontrées sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette revue de presse régionale. À la présentation, vous étiez avec Didier Nyonzima et Vestine Butoyi. Au revoir, passez une bonne journée. Amakuru yo mu karere.